17h10 tout pile sur CKRL 89.1. Et comme je vous l'ai dit, 17h10 tout pile, c'est l'heure de Raymond Poirier, comme tous les lundis. Raymond Poirier est chargé de communication à l'Institut de technologie de l'information et société, autrement dit ITIS. ITIS. Voilà. Bonjour Raymond. Bonjour François. Ça va ? Mais ça va très bien, toi ? Bah, je te crois, bien sûr que ça va. Très bien, moi. Je suis en onde avec toi et on va parler aujourd'hui d'espionnage, cyber-espionnage. Effectivement, en fait, j'ai eu l'occasion la semaine dernière de me rendre à un colloque qui avait lieu à Charlevoix, colloque de la sécurité de l'information du Québec, donc CQSI 2011. Et ça m'a permis de me plonger dans différentes thématiques bien d'actualité. On parle de virus, on parle de menaces malicieuses, on parle même de cyber-espionnage. Donc, tout ce qui s'attaque finalement à nos ordinateurs de différentes façons. Mais on se rend compte que de plus en plus, autant du côté des virus, des menaces malicieuses que du cyber-espionnage, évidemment, l'objectif, c'est d'aller chercher l'information pour éventuellement aller générer des profits ou soit tout simplement aller mieux se positionner sur l'échiquier international. Ouais, donc c'est plus, on parle plus de cyber-espionnage à l'échelle internationale, à l'échelle de grands groupes peut-être. Mais de pays, en fait, même le Canada, ça a été très médiatisé dans les. Il y a plus de ça plusieurs mois. En fait, il y avait trois organismes gouvernementaux qui avaient été attaqués : ministère de la Justice, le Conseil du Trésor et la Défense nationale. Alors, des attaques en fait qui nous ont amené à se rappeler qu'il y a de l'information sensible au Canada. Bon, bien entendu, pour la défense, on peut imaginer facilement des secrets militaires, des nouvelles technologies, tout ce qui face aux préoccupations quant à l'occupation du territoire au nord, la nouvelle voie maritime qui risque de s'ouvrir à cet endroit-là. Mais le conférencier qui parlait du cyber-espionnage, donc Michel Junot Katsuya, qui est expert conseil en évaluation et renseignement de sécurité, lui disait qu'il faut aller un peu plus loin que ça. Et ce qui explique que le Canada est peut-être de plus en plus intéressant pour certaines gens, c'est dû au fait principalement qu'il siège à peu près toutes les tables importantes à l'international. Il est au G8, il est au G20, il est partout. Et donc, nécessairement, des informations sensibles qui concernent d'autres pays, certains de nos alliés, vont se rendre dans les différents ministères et donc vont devenir aussi accessibles pour qui décide de faire une démarche malicieuse. Au niveau de la défense, on parlait de secret militaire, de secret stratégique. On mentionnait le Conseil du Trésor. L'attaque s'était faite quelques temps avant le dépôt du budget fédéral. Et on s'imagine, quand on dépose un budget, ça veut dire que nos serveurs informatiques aussi sont remplis d'informations qui sont reliées à ces investissements-là, puisque ça devient un peu, pendant cette période, le centre d'une pléiade d'informations et de renseignements. Mais le problème, selon M. Junot Katsuya, c'est peut-être un peu au niveau législatif, parce que le Canada ne se serait pas nécessairement donné des outils suffisants pour pouvoir réagir légalement, pour faire réagir en fait les voies légales à ces menaces-là. Déjà, est-ce qu'on a su trouver le coupable déjà? Est-ce que c'est compliqué? Je pense que c'est compliqué quand même de trouver qui espionne. Il y a certaines complications. Ça, je dois t'avouer, ça n'a pas été abordé pendant la conférence, mais effectivement, la question se pose. Comment faire face à ces menaces-là et nécessairement, pour savoir comment y faire face, il faut savoir aussi à qui on a affaire. Ce qu'on s'entend, c'est, par exemple, au niveau des ministères qu'on mentionnait, vraisemblablement, les attaques, c'était des attaques externes. Par contre, dans d'autres cas, et même dans la majeure partie des cas, d'autres organismes peuvent s'attendre peut-être à être victimes de cyberterrorisme, mais finalement, ils se rendent compte que dans une vaste majorité de cas, c'est des menaces à l'interne. Donc, essentiellement, des invasions, entre guillemets, qui sont dues à la négligence de certains employés, voire même, dans encore là, une majorité de cas, la négligence de certains cadres face au protocole de sécurité. Donc, ce qui fait que M. Katsuya disait, regardez, il y a peut-être aussi un peu de sensibilisation à faire parce que, oui, il y a les menaces externes, mais la majeure partie des dossiers, pour l'instant, c'est des menaces à l'interne. Il faut faire attention à ses voisins, comme on dit. Oui, effectivement. Il faut se donner des législations aussi. Ce qu'il faut se dire, en fait, je remonte peut-être un peu l'historique de l'ensemble pour mettre en contexte un peu. Dans les années 1990, il y a eu effondrement du bloc soviétique. C'est un événement qui a complètement changé l'équilibre international et qui a complètement changé aussi la donne par rapport à l'industrie du renseignement. Donc, c'était beaucoup axé sur la recherche d'informations militaires, d'informations stratégiques. C'était le champ de bataille à cette époque-là. Et donc, avec la chute du bloc, avec la fin de la guerre froide, on passe à un champ de bataille qui est peut-être un peu plus économique. Donc, ce qui fait que de plus en plus, on va aller chercher de l'information, on va faire du cyberespionnage ou de l'espionnage tout court pour aller chercher des éléments liés à la propriété intellectuelle, liés aux parts de marché. D'accord. Et donc, ce qui fait que tranquillement, les pays prennent conscience aussi de ce qui se passe et décident de mettre en place des législations, autant que des plans stratégiques pour développer au niveau défensif ou offensif les éléments liés au cyberespace. Donc, on est encore au début des années 90. La Chine, par exemple, en 95, va démarrer une doctrine pour l'armée disant qu'il faut se lancer dans le cybermonde. Les États-Unis vont embarquer aussi de manière similaire. Il y a la Russie, l'Ukraine, plusieurs puissances internationales qui vont s'engager dans cette voie-là et qui, parallèlement, vont aussi légiférer pour encadrer cet univers-là dans leur gouvernance, dans leur constitution. Pour ce qui est du Canada, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure et ce que soulignait M. Junot Katsuya en conférence, mais il faut attendre en 2001 pour avoir une législation. Et malheureusement, cette législation-là n'est pas nécessairement très complète. En fait, lui disait, regardez, c'est deux articles essentiellement qui sont dans la loi liée au terrorisme. Donc, un article qui dit qu'il ne faut pas faire de cyberespionnage ou de hacking, et un autre article qui dit, ben, si vous en faites, vous allez être puni. Mais ça ne va pas nécessairement plus loin que ça. Et le problème, c'est comme il n'y a pas nécessairement d'outils législatifs forts, ça veut dire qu'il n'y aura pas non plus une volonté des forces de l'ordre qui sera forte également, puisque les moyens qu'on leur donne pour légiférer sont minimaux. Et donc, justement, quels sont les moyens d'action contre ces menaces, les moyens de se préparer, d'anticiper ces cyberespionnages? Ben, c'est essentiellement bien connaître la menace. Je pense que la clé est là, c'est ce que M. Junot Katsuya soulignait. Donc, bien connaître les objectifs de cette menace-là, bien connaître ses origines pour pouvoir optimiser les budgets de défense. Donc, il ne s'agit pas simplement de faire un firewall, de mettre des protections informatiques, mais il s'agit d'identifier bon, qui pourrait être potentiellement intéressé par ces informations-là, de quel type de menace il pourrait s'agir et bien se préparer. Parce que si on ne le fait pas, ben, c'est là que les coûts vont être importants, c'est là que les pertes d'informations également vont être importantes. Je pense en fait, on pouvait, juste au niveau d'attaques virales, en 2010 au Canada, le coût moyen par incident était de 4,6 millions de dollars. Ah oui, quand même! C'est énorme! Bien sûr! Donc, dans le fond, en se préparant bien, c'est qu'on n'est plus en réaction, on n'a pas besoin, comme on dit en bon québécois, de patcher des trous. On fait un bon mur, on fait une stratégie viable autant à l'interne qu'à l'externe, parce que ce qu'on se disait tout à l'heure aussi au niveau d'une bonne partie des menaces qui peuvent originer de l'interne, si ce n'est par négligence. Donc, il faut bien, d'un côté, sensibiliser les employés au protocole de sécurité, et de B, mettre en place des protocoles de sécurité qui vont être en lien direct avec les menaces qui vont avoir été ciblées. Donc, il ne s'agit pas de se protéger pour se protéger, mais se protéger pourquoi, se protéger contre qui, et se protéger comment. D'accord. Et donc, est-ce qu'on peut chiffrer le nombre de menaces qu'a pu connaître certains ministères du gouvernement canadien? Ça, encore là, malheureusement, en fait, j'ai pas des données de ce type-là, mais effectivement, la question, je suppose quand on dit 4,6 millions en moyenne en 2010 seulement, et ça, c'est pour les menaces virales, donc on voit à quel point ça a un lourd impact. Alors, effectivement, de manière, si on décuple tout ça, bien, ça devient extrêmement important au niveau des coûts aussi. Et ce qu'il faut dire, et je suis peut-être à une autre conférence, François, c'était Stefano Tiranardi, qui est architecte de solutions de sécurité chez Symantec, qui faisait un petit survol aussi des infections virales, du malware, de tout ce qui est malicieux qui nous est envoyé par différentes voies. Et lui, ce qu'il disait, c'est que de plus en plus aussi, ces attaques-là sont plus faites à grand déploiement, dans le fond, où on écrit un courriel, on envoie à 500 000 personnes, à 50 000 personnes le même courriel, et donc il y a très peu de personnalisation, ce qui fait que moindrement internaute éveillé comme nous sommes, on le voit, on dit ben, ça n'a aucun rapport, cette personne-là, il n'y a aucun sens qu'elle allait nous envoyer un message en anglais, elle parle en français, etc., etc. Et justement, pour compenser ça, il y a ce qu'on pourrait dire une espèce de piratage psychologique qui se fait via les réseaux sociaux, entre autres. Donc, on va chercher sur LinkedIn, sur Facebook, sur Twitter, sur tous les autres, dans le fond, l'information sensible qu'on lance au niveau de notre personnalité, au niveau de ce qu'on est, quel travail on a, qui sont nos amis. Là, on va recevoir un mail, mais il y aura des choses nous concernant qui vont nous faire croire que la personne qui nous envoie le mail nous connaît très bien. Exactement. On nous connaît un peu, en fait, parce qu'on ne ciblera pas nécessairement un ami très, très proche, mais si on identifie une vague connaissance qui est peut-être susceptible d'écrire un courriel et dire « Ah ben je fais un projet, clique sur le lien, tu vas voir, je sais pas, tu me diras ce que tu en penses. C'est peut-être suffisant pour faire qu'une partie de gens vont faire confiance, vont télécharger le fichier joint, vont cliquer sur le lien, les liens qui, de toute façon, sont raccourcis, donc ça devient plus difficile d'identifier la source. Et imagine en entreprise aussi, exemple, ça, on revient au protocole de sécurité, il y a un employé qui ne suit pas le protocole, il y a quelqu'un qui réussit à hacker dans son courriel, on a été chercher un peu d'informations sur ce que cette personne-là faisait dans l'entreprise, et on envoie un courriel généralisé aux autres employés disant, ben, collègue, qu'est-ce que vous pensez de tel dossier, telle prise de position? Les gens vont probablement moins réfléchir, vont ouvrir le fichier, vont ouvrir le lien et vont déclencher une infection virale. Alors, c'est donc des menaces plus subtiles, plus personnalisées maintenant. Oui. Il faut y faire attention. Quelles sont les conséquences d'une attaque pareille pour, évidemment, ça peut être assez violent et dangereux pour notre ordinateur? Ben, en fait, de manière générale, j'aurais envie de dire oui, dans un cas de ce que j'en ai compris de ces conférences-là, c'est certain parce qu'avec le coût élevé, en fait, il faut se donner des moyens de résorber cette menace-là. Mais d'un autre côté, et ça, c'est une autre évolution au niveau viral qui nous était soulignée par M. Tiranardi, il disait, regardez, de plus en plus, on ne cherchera pas à détruire l'ordinateur, comme c'était le cas dans les années 96, 98, jusqu'à récemment, dans le fond, quand même, on cherchait à détruire l'ordinateur, à détruire un site web, faire des coups d'éclat. Et de plus en plus, les gens ne feront plus de coups d'éclat de ce type-là. Ils vont plutôt envoyer des menaces très subtiles qui vont se ranger à l'intérieur de l'ordinateur, qui vont se trouver des zones qui sont peut-être un peu moins surveillées par les antiviraux qui sont en place. Ils vont réussir aussi à créer des menaces en modifiant légèrement certains codes aux menaces pour qu'ils ne soient pas facilement identifiables par les antivirus. Et donc, ça va s'installer à quelque part dans le système et ça va simplement surveiller l'information, se reproduire à l'intérieur du réseau et envoyer peut-être certaines informations plus sensibles à différents postes A, B ou C, que ce soit au niveau d'informations stratégiques, que ce soit au niveau tout simplement, si on parle d'une institution financière par exemple, qui sont extrêmement visées par ailleurs, de l'information sur numéro de carte de crédit, numéro de compte et le reste. Donc tout aussi ce qui peut se revendre, parce que ce que M. Tiranardi nous soulignait, c'est qu'il y a quand même un bon marché justement autour ça. Et un marché qui est corollaire aussi à la surveillance qui en est faite par les institutions de crédit, par exemple, ou par tout le processus légal autour de ça. Donc, si ça prend beaucoup de temps à une compagnie de carte de crédit, par exemple, de réagir et d'annuler les cartes, et donc que quelqu'un peut faire beaucoup de millage avec un numéro volé, ben nécessairement, ce numéro-là va avoir beaucoup plus de valeur que si, comme par exemple au Canada ou aux États-Unis, où ça se fait très rapidement, tout ce qu'on peut faire, c'est s'acheter un sac de chips puis faire le plein d'essence, ben ces numéros-là vont valoir beaucoup moins aussi. Donc, il y a tout ça qui est à considérer dans le jeu stratégique côté piratage. C'est ce qui est dangereux et inquiétant. C'est-à-dire que là, on touche plus à la personne même. Il y a une sorte de vol d'identité. Oui, même en fait, ça peut aller jusqu'au vol d'identité carrément, là, avec les accès qu'on peut avoir. Et aussi, et peut-être même surtout, et ça nous renvoie aussi à la notion de sensibilisation qui est extrêmement importante, autant M. Junot Katsuya le soulignait, autant M. Tiranardi également le mentionnait, des fois, l'ignorance qu'on peut avoir ou une certaine innocence ou naïveté qu'on peut avoir par rapport à nos appareils fait que ça devient plus facile peut-être de voler les identités. Je te donne l'exemple des appareils mobiles, François. Ce qu'on nous disait, c'est que par jour, aux États-Unis, il y a, si on parle de clés USB, de téléphone mobile, téléphone cellulaire, ordinateur portable, des trucs comme ça, il y a 12 000 appareils mobiles par jour dans les aéroports américains qui sont perdus. Et dans bien des cas, ces portables-là, ces appareils mobiles-là n'auront pas de code de protection très, très important. Donc, une clé USB, est-ce que tu mets un mot de passe sur ta clé? Probablement pas. On n'y pense pas, mais pourtant, on l'utilise pour transporter de l'information corporative, l'information qui peut devenir sensible. On s'en sert aussi pour transporter de l'information personnelle. Alors, encore là, ça peut permettre aussi d'avoir accès assez facilement à certaines identités ou à certaines informations sensibles. Alors, on est, de ce que j'en ai saisi, à une période vraiment charnière au niveau des menaces malicieuses, du cyberespionnage, pas nécessairement face à l'externe, mais plutôt face à une conscientisation à l'interne des dangers potentiels que ça peut représenter. Et donc, d'où l'importance peut-être justement que chacun prenne un peu un recul par rapport à son comportement avec le matériel informatique et de ce qu'on met aussi disponible dans du matériel qui n'est pas nécessairement bien sécurisé. Exactement. Par exemple. Exactement. Donc, bon, le but de cette chronique n'est pas forcément d'alarmer tout le monde. Non, il ne faut surtout pas entrer dans une paranoïa extrême, mais avertir les gens sur les risques qu'on court de la technologie de l'information, tout simplement. Oui, et surtout à une période où de plus en plus les appareils mobiles, c'est nous en tant qu'utilisateurs qui les entrons tranquillement dans le milieu du travail, mais tout ça peut avoir aussi un impact sécuritaire. Donc, d'où l'important peut-être de se créer des protocoles. Par exemple, quand on dit, j'aimerais ça que ma tablette iPad soit intégrée au réseau de l'entreprise, comment on peut le faire de manière sécuritaire, surtout qu'il n'y a pas encore de grands antivirus qui sont là-dessus, mais tranquillement, il y a des menaces qui se préparent aussi. Alors, beaucoup de réflexions. Mmh. Et si les gens veulent aller un peu plus en profondeur là-dessus, on a mis quelques résumés sur www.itis.laval.ca sur ce que j'ai dit aujourd'hui. Ils sont déjà là. Donc, on peut aller faire un tour aussi sur le site. Impeccable. Et dans la sphère privée, évidemment, on invite tout le monde à mettre des mots de passe, etc. Enfin, tout ce qui peut protéger leurs informations. Ou ralentir à tout le monde. c'est ça, exactement. Merci Raymond. Ça fait plaisir. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres informations technologiques, d'autres technologies de l'information. Et puis voilà, merci Raymond. Ça fait plaisir. À très bientôt Raymond. Merci.